Avez-vous déjà assuré ce genre de transfert? Non. Jamais quelque chose d'aussi important. La seule chose que je supporte mal, c'est leur divagation. Quand ils sont partis dans leur délire. Avez-vous des instructions particulières? Comprenez bien que la chose est un monstre. Et la chose ne doit pas être sous-estimée. Vous ne pas considérer la chose comme un homme? Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous l'entourez de mystère, hein? Oui. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché? Jamais, jamais. Jamais. J'arrive à l'heure à laquelle les taggers se couchent. Avec une chance aussi fidèle que Tiger Woods. Monte sur l'estrade en manque d'espace et la santé se détériore. C'est pas pour le design qu'on est en linge à l'extérieur. Malgré les paraboles, tour de voir plus loin que le pataporte. On a la dalle, pas celle qu'on enlève avec une pasta à box. Pas la cause, trop à l'ancienne, j'ai pas la cote. Voyager c'est cher, pour voir les Seychelles faut que je m'envoie par la poste. Y'a du picard, des mômes qui craquent, pas d'ambiance tropicale. Froid comme un hôpital, tu deviens bizarre quand tu squats trop pigal. Amour et eau fraîche, c'est pas la stratégie. On a passé en stock, demande un bisou, tu récolteras des gifs. Mes chromes démangent, nos gosses dérangent, on encule feu de guerre. Maintenant il me faut des gants, y'aura du sang, je m'en fous que les gosses déhanchent. Monde de putain qui veut du mal, qui veut ton bien. On sait plus qui est qui, comme un keuf qui promène son chien. Pourquoi revenir, je suis déjà en selle. Du sous-sol, je vois plus les arcs-en-ciel. Mon cerveau se fait la belle en embrassant des sucettes à cancer. Il m'arrive de me perdre, surtout depuis Marine Le Pen. Marine te vexe, mais j'ai besoin de ça quand je vois ma fiche de paye. Prêt à tout pour la monnaie, tu la surveilles comme ta Russ. Max dans moi, y'a des joujoux à vendre, mais c'est pas Toys R Us. Les grosses fusils pour des Loki, les gueux je te plante pour d'héroïne. Pas le temps pour l'érotisme, ici on rêve que les poules érotissent. C'est mon passe-temps, je veux voir la France dans un tas de cendres. Pas prêt à se rendre, même si j'ai le compte à moins 400. Dur de se lever tôt que des couches tard. Jeunesse infernale, pense qu'au bédo. Pour eux, Beethoven, c'est un Saint-Bernard. Entre deux checks, faut se démerder, pas quémander. Malgré l'échec, mais que demander, en bas de l'échelle, je peux que monter. Les gosses en bas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça cogne en bas, dès qu'on en vrai, je crois que le paysagiste avait une comme en panne. Pour les refrains, j'en ai perdu 10 au moins. Un petit refrain, non, je suis parti trop loin. La France, une grande arnaque, y'a que les bâtards qui sont pas morts de faim. Pas de bandana, je fais pas du gangsta rap, j'ai pas besoin de porte-flingue. Plein de mythos, ils ont le style, Serge Benamou. Mais sur le boulevard, on t'a grillé, hein, tu criais, bébé l'amour. L'instrumental, moi je la baisse. Prépare les gros latex, des gains tellement banales. Quand j'ouvre la bouche, tout le monde se frotte la tête. Pas trop semblant, un peu sanglant, je défends ma cause en France. La vie d'élève, pour nous c'est mort, on mise sur nos enfants. Ramène pas de sky, je pourrais t'en boire, d'ici terme. En guise de point de départ, j'ai mis un TSR, 18ème.